Et voilà, donc bonsoir à tous, vous venez d'écouter Baba au Rhum avec des petits de loups dans Donné. Non, ça c'était il y a trois disques, Gérard. Ouais, mais le deuxième c'était... Non, le premier, tu peux rappeler le premier et je te donne tout de suite. Ben, le deuxième, le premier, je l'ai, là, c'est Baba au Rhum avec... Non, le premier disque, on en a passé deux. C'était Bernard Mauvaise Haleine. Ben, et le deuxième, c'était Blur. Voilà. Et donc, je remercie. Continuez à nous appeler au 0800 75 000, 0800 300 08 5000, et toujours 3615 Scott Fun Radio, rubrique directe. Et sur l'IRC, on continue de nous appeler. Oui, toujours énormément de monde. Je salue Fedji, Seb Z, Gaëtan, Corben, Miss Lover et tous les autres qui sont là. Et on a combien de personnes sans indiscrétion, Rigo? Une petite seconde, je tape un petit truc et c'est vrai que c'est pas très bien de le dire. Hein, mais il y a 56 personnes. Ouais, mais dis pas, c'est bien. Non mais c'est bien, 56 personnes, il est 1h39, c'est bien quand même. Ouais. Et moi je vais saluer Gilles et... Pardon? En direct mais pas trop fort, vous passez les gens d'entendre. 56. Donc, et sur le Minitel, Gilles, l'inconnu, il y a aussi Babette et Sandy. Et moi j'aimerais saluer ma mère et ma copine que j'aime. Eh ben moi je salue Titi et la Madrilène. Pas de marque, voilà. Pas de marque. Non, mais la Madrilène, il se reconnaîtra. Si, c'est une marque de vélo. Hein. Mais il se reconnaîtra, la Madrilène. Allez, on va accueillir Moulinette, 21 ans de Dijon. On écoute Fun Radio sur 90.7. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Tulip, 19 ans, Toulouse, 105.9. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Ananas, Saint-Leu-la-Forêt, sur 101.9. Ouais, salut mon GG. Salut. Scooby-Doo, 23 ans, du Havre, on écoute Fun Radio sur 106.9. J'espère que c'est la bonne fréquence, Manu. C'est la bonne fréquence, Gérard. Oui, oui. Bonsoir, Paris, bonsoir, la Dream Tease. Ouais, bonsoir à toi. Cactus. Rebonsoir, Gérard. Donc, Paris, 101.9. Ouais. Et Christian de la Salle Saint-Cloud, 101.9, toujours. Donc, deuxième débat qui porte sur le cinéma. J'espère qu'il va se passer aussi bien que le premier. Et bien péchu aussi, hein, parce qu'il va se réveiller un petit peu, genre. Non, mais j'espère qu'il va se passer impeccable. Comme le premier, c'est tout ce que je demande. Alors, avez-vous déjà été au cinéma cette année? Oui. Alors, on va demander à... Non, bah tiens, bah, comme Christian, il a répondu le premier. Oui, j'étais souvent au cinéma. Oui. Et j'ai vu pas mal de films. Comme quoi? Comme le Titanic, Dîner de con, 6 jours, 7 nuits, Prends garde à toi et Pédale douce. Forrest Gump aussi. D'accord. Pédale douce, je peux te dire une chose, que c'est un film qui est passé dimanche sur... Sur première chaîne. Excuse-moi, Richard Berry. Christian, voilà. T'es allé manger chez Gérard, il t'a invité? Non. Pour le film... Non, c'est pas grave. Manu. Ouais. Non, mais j'ai rangé la blague, elle est pourrie. Non, mais tu te calmes, Manu, parce que... Ça peut aller très loin. Tout de suite, Manu. Ça peut aller très loin, Manu. Avec une mauvaise idée. Ok. Cactus. Ça pique. Bah moi, j'ai pas trop d'argent, alors tu vois, je me souviens pas avoir été au cinéma. D'accord. Scooby-Doo. Moi, j'ai pas tellement eu l'occasion, parce que je suis serveur dans un bar. Ouais. Problème... J'ai pas vu beaucoup de films cette année. J'en ai vu quelques-uns. Mais... Voilà. Ah, il y a plus d'Arsène, là. Ouais. C'est Olivier à la pro? Non, c'est Cactus, à mon avis, qui a... non, c'est Scooby-Doo qui doit avoir un truc bidon. Pas moi, non, du tout. Non, mais tu vois, là, ce que Manu t'a donné... C'est pas des sondages. Non, mais ça, j'en ai rien à foutre. D'accord. De quoi? C'est pas grave. Tu vois, parce que moi, tes sondages, j'en ai rien à foutre. Alors, on fait pas de sondage lors des débats. Tiens, c'est intéressant, le sondage. Non, mais c'était pas un sondage, c'était des statistiques, en fait. C'était des questions, genre, pour ou contre le cinéma. Non, mais ça, tu vois, tu vois, maintenant, dans mes débats, je mets plus des pour ou contre, ok? Alors ça, il y avait aussi qu'aimez-vous dans le cinéma, le dire, si tu veux, tiens. Non mais tu peux le dire, c'est vachement intéressant. Bon, ouais. Non mais je verrai ça après. Ok. Ananas. Ouais, ben moi je suis un vrai fan de ciné. Je vais souvent au cinéma et dernièrement j'ai vu Une chatte sur un doigt brûlant. Non mais attends, toi si tu commences t'as vulgarisé, si tu commences à être vulgaire. Ah mais je suis pas vulgaire, Gérard. Non mais attends, une chatte, tu sais ce que ça veut dire pour moi? C'est un petit animal. Attendez, il faut savoir si on si on considère que le cinéma pornographique ne fait pas partie du cinéma, Gérard. Mais justement. Justement. Donc si Ananas veut répondre, bien avant moi, à la cinquième question. Donc dans ce cas-là, Il prend les questions à ma place. Bah, donc, savoir, okay. Donc Ananas, tu gardes ta réponse parce que ça c'est pour la cinquième question. Ok, alors serre les fesses jusqu'à la cinquième. Voilà. Bon, bah, okay. Alors tu vas serrer les fesses avec Manu au standard. Mais non. Ouais, il a l'habitude Manu de serrer les fesses. Je dirais à chaque fois lui. Enfin, on continue. Tulip. Bah moi je suis un peu prise par le boulot, donc j'ai dû aller au cinéma quelques fois, mais en ce moment je peux pas trop. D'accord. Moulinette. Oui, moi j'y suis allée, mais bon, je peux pas dire si c'est souvent ou un peu, beaucoup. C'est, je sais pas, une fois tous les deux mois, quoi. Ouais, non, mais je pense que à l'heure actuelle, vous pouvez quand même aller voir certains films qui sont sortis. Peut-être ce Minitel, non? Ouais, je pense qu'ils vont aussi au cinéma. Non, mais on a des réactions ou pas? Parce que sur l'IRC, on a du monde. Si sur Minitel, ils veulent pas répondre. Bah, on a Dada sur Minitel qui dit que tu es quelqu'un qui parle très vite. Et qui parle. Attends, comment il dit ça? L'homme qui parle plus vite qu'il ne réfléchit. Ouais, dans ces cas-là. C'est flatteur. Non, mais c'est flatteur. Non, mais dans ces cas-là, elle aurait pu dire l'homme qui parle plus vite que son ombre. Voilà, c'est un peu le même principe. Hein, ou l'homme qui tire plus vite que son ombre en parlant de Lucky Luke. Sur IRC. Oui, il y a Corben qui me demandait si le cinéma pollue. Oh non, mais alors là... C'est là, plus le thème du débat. Mais est-ce que non, la pollution, c'est du cinéma? Non, mais ça, non. Donc, alors là, je pense que c'est une question qui va faire plaisir à tout le monde. Ouais. Je pense. Bon, je pense que tout le monde en a entendu parler du film. On en a fait de la pub sur Fun Radio. Mm-hmm. Que pensez-vous du film Godzilla? Ah, vous pouvez pas passer à côté. Hein. Ah, désolé. Ouais, désolé. Je trouve ça très bien, Christian. Ouais, Christian. J'ai vu le film. Ouais. Je trouve ça très formidable. Attends, Christian. Oui. Sans indiscrétion. Oui. On va demander à Cactus, Scooby-Doo, Ananas, Tulip et Mouninette de se calmer. Où t'as été le voir? Au Gaumont-Parnasse le matin de très tôt. Pas de marque. Hein? Au Gaumont-Parnasse. Au Gaumont. Mmh. Gérard est allé à New York. Ouais, joueur, hein. Tu vois, moi j'ai été le voir avec Sandy qui se planque derrière là-bas, mais il a rien compris. Mais il l'a vu. Le poussin a été le voir. T'as compris que c'était un monstre qui cassait une ville? Oui, bien sûr. Ah bon. Parce que je vais te dire une chose, tu demanderas à Poussin tout à l'heure, après l'émission, tu verras. C'est le nom qu'ils avaient donné au monstre dans le film. Ouais. Non, mais tu demanderas à Poussin tout à l'heure. Donc, Christian, pour toi, tu as été le voir au Gaumont? Oui, au Gaumont-Parnasse très tôt le matin. Ok. Cactus? Écoute, moi j'en ai entendu parler que du bien. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas d'argent, j'en ai pas beaucoup, donc je dépense pas mon argent là-dedans, mais il paraît que c'est super bien. Mais dès que j'ai l'occasion d'y aller, j'irai le voir. Ben, il faudra peut-être se dépêcher parce que là, il est, je sais pas, jusqu'à 1h46 et c'est chaud là. Non, mais t'inquiète pas, Gérard, quand on veut voir un film, on arrive toujours à le voir. Ah ben, ok. Scooby-Doo. Gérard, je sens que tu vas me virer si je dis que je déteste Jean Reno, que je déteste les films américains de merde et tout ça, donc... Bon, alors... Non, mais là, Scooby-Doo. Il a le droit, hein. J'ai le droit, je l'ai pas vu, j'ai pas envie de le voir. Oh, stop, on se calme. Scooby-Doo, si c'est pour insulter les acteurs de cinéma dans ces cas-là, tu vas aller voir Manu parce que je pense que t'es pas encore entré dans... J'ai pas insulté, j'ai dit que je l'aimais pas. Ben oui, t'es sectaire quand même, Gérard, t'es un peu sectéré. Hein. Non, mais attends, je veux dire une chose. Quand t'insultes des acteurs de... Non, il a pas insulté, il a dit il aimait pas. C'est-à-dire que ça se trouve, il aime pas Jean Reno dans Godzilla parce que le rôle est bidon. Ah non, mais attends, son rôle est vachement bien dans... Explique pourquoi. Son rôle est... Attends, Scooby-Doo, tu permets? Non, Scooby-Doo, tu me laisses parler maintenant, je réponds à la question à Fildar. Moi, je vais te dire une chose, que Jean Reno, dans le rôle qu'il a, dans Godzilla, fais-moi confiance qu'il est vachement bien. Ah ouais. Il joue le rôle d'un... J'ai pas vu. Il joue le rôle d'un... D'un agent secret, non? D'un agent secret. Oh, c'est chier, merde. Oh, qui c'est qui a envie de chier là? C'est la deuxième porte à droite. Non, mais elle avait pas vu le film, vous lui dites la fin. Bah, dites pas le film, racontez pas, je veux le voir. Non, non, mais je peux te dire une chose, que Jean Reno joue là-dedans dans un super... Il a un très bon rôle. Une super bagnole. Ouais. Il a un très bon rôle. Et ce qu'il joue, il joue le rôle d'un agent secret. Dis-le pas. Il joue le rôle d'un, d'un agent secret. Non, c'est pas le monstre. Mais Gérard. C'est pas le monstre, Jean Reno. Non. Gérard. Oui. Oui, c'est pas parce que j'ai pas. C'est qui, c'est qui? C'est Scooby-Doo. C'est pas parce que j'ai pas les mêmes goûts que toi que tu dois forcément t'énerver et me vouloir me virer. C'est tout. Non, mais attends, ouais. J'ai vu tout un tas de films avec Jean Reno. J'aime pas du tout ce. Oui, mais si t'aimes pas Jean Reno, dans ces cas-là, est-ce que t'as regardé Léon, tout ça, mais j'ai pas aimé. Hein. Mais il est passé il y a quand est-ce que c'est il a joué dans Highlander. Non, il n'a pas joué dans Highlander, il a joué dans... Les bronzés. Non, pas dans Les bronzés, le film, l'opération Cornet de Bif. Ils l'ont pas fait à la télé. Oui, mais il était très bien comme film, je suis désolé. J'ai regardé Big avec Tom Hanks. Ouais, t'as raison. Tulip. Ananas, Tulip. Ouais, Ananas. Bah, Ananas, bah écoute, moi c'est pas les acteurs qui me posent un problème, c'est la bestiole, qu'en fait Godzilla c'est quand même un petit peu un monstre de tapette, parce que si tu le mets à côté de King Kong, il fait pas le poids, Godzilla. Attends, moi je suis prêt à organiser un combat entre Godzilla et King Kong quand tu veux, je suis prêt à mettre de l'argent quand tu veux, moi je te dis King Kong, il met une branlée à Godzilla, c'est tout. Ouais. Non mais attends, King Kong et Godzilla sont de la même taille. Godzilla c'est un gorille. Non, Godzilla, c'est pas un gorille, c'est un gros lézard. Ouais. Et King Kong, c'est un singe. Ah, mais King Kong, il est plus fort, c'est tout. Non, ce qu'on sait pas, c'est que dans la vie, ils sont amants. Hein. Non. Ah, si. Tulip. Bah, moi, j'ai trouvé ça super. T'as été le voir? Oui, j'ai été le voir, oui. Non. Bah, qui me dit non et qui me dit oui, là? Tulip. Bah, moi, j'ai été le voir. Non. D'accord. Moulinette, parce que là, je vois plus de. Alors, moi, je ne l'ai pas encore vu pour la simple et bonne raison que je ne regarde pas les films américains en français, mais je les regarde en anglais, donc j'attends qu'ils passent en anglais. Eh ben. Tu l'as vu en anglais, Gérard? Non, américain. Ah, pardon. Excuse-moi. Fildart a fait une erreur, c'est impardonnable. Excusez-moi. C'était américain. Et moi, je peux vous dire une chose, que ce film-là. Et très beau à voir, même Poussin l'a vu, et je pense qu'on peut dire que c'est sûr qu'on a du mal à le comprendre, le film, mais il est très bien. Stop, s'il vous plaît, derrière, merci. Oui, sur l'IRC, il y a Fedji qui demande si au cinéma, les monstres peuvent remplacer les acteurs. Ah ben, la preuve, c'est que Godzilla, le monstre, s'est vu opposé avec Jean Reno. C'est un peu la vedette aussi. Oui, mais ça, c'est Jean Reno qui a fait son film, donc... Non, mais Godzilla, c'est la vedette du film. Ben, disons, c'est que ce film-là... Pourtant, on l'a pas vu à l'avant-première en smoking. Il est pas venu. Pourtant, c'est la vedette. Jean Reno... Godzilla. Est-ce que Godzilla va monter les... Est-ce que Godzilla a été... Non. Tu mesureras en face de François, t'as Godzilla 2, là. Qui c'est qui vient de dire ça? Ça, c'est pas cool. Alors, Scooby-Doo, bonne nuit. Ou Ananas. Non, c'est pas Ananas. C'était Scooby-Doo, je l'ai géré. Par contre, moi, je croyais que le monstre Godzilla et le gars qui faisait sauver Willy, là, la baleine, c'était le même. Ah ouais. Non, mais... Justement, Gérard, sur IRC, on me demande si tu connais le nom de l'acteur qui joue Godzilla. Non. Alors celui qui vient de dire Sandy, bonne nuit. Non, c'est Brandy, il a dit Brandy. Non, il a. Ouais, mais même c'est pas une raison. Bah, c'est le nom de l'acteur, Brandy. Ouais. Brandy Walker, son vrai nom. Ouais, c'est ça. Moi, bon, je pense que c'est pour. Je pense que tout le monde a répondu à Godzilla. Maintenant, Gérard, ouais. On peut peut-être passer à la prochaine. Donc, combien payez-vous la place de cinéma? On va demander à Moulinette. Moi, je la paye 47. Moi, Christian. Attends, Christian. Oui. Calme. Laisse parler tout le monde un peu. Ouais. T'arrêtes pas de parler, Christian. Moulinette, 47 francs. Sauf qu'on sait en tarif réduit, c'est 37. D'accord. Tulip, 52. Hein? Ouais, 52 francs, ouais. Attends, 52 francs à Toulouse? Ah bah ouais. Hein. Ça fait 5 francs de plus? Ouais, Ananas? Ouais, bah écoute, moi je fais le bon vieux truc, j'y vais avec un copain et puis il vient m'ouvrir la porte de sortie de secours près des chiottes et puis je rentre gratos. Quoi. Bon, bah alors, Ananas! Ça, c'est n'importe quoi. Ananas! J'ai le droit, non? Ananas! Oui! Tu vois, c'est terminé pour toi. Au revoir. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Non. J'ai pas le droit de resquiller, pourquoi j'ai pas non, le droit? Non. Pourquoi tu payes le métro, ça, toi, tu resquilles pas? Toi aussi, tu truandes des fois, Gérard. Allez. Manu. Chacun ses business, hein, GG. Allez, hop. Ananas, c'est terminé pour lui. Hop. Scooby-Doo. Ah bah, il est parti, Scooby-Doo, tu l'as acheté, Gérard. Tu l'as testé. Ouais, mais... Hé, hey, tu me prends des gens sans verre là ou quoi, toi? Non, les 24 lignes là. Ouais, mais attends, Ça va, moi je peux faire les débats comme ça Non, parce que là, les pieds près de moi, c'est pas possible. Ouais, bah alors. Ah, tu bosses un peu, Manu, quand même. Ouais, mais j'y vais. Non, mais bah, tu me reprends deux personnes à place d'Ananas et de Scooby-Doo. Ok. Le débat, Gérard, le débat. Alors, Cactus. C'est, je crois, c'est 48 francs la place, moi. 48, ok. C'est ton loto, là, quoi. Christian. On veut payer 56 francs. Hein 56 francs. Ça rentre pas dans les cases du loto. Alors, 56. Alors, moi, je peux vous dire une chose, que là, il y en a aucun... personne m'a donné la bonne réponse. Les meilleures places, c'est 30 balles la place du cinéma. Où ça? Ah bon, dans tes rêves? Non. Non, moi, je peux te dire une chose. Bah, UGC, c'est 30 balles. Mais n'importe quoi. Ouais, pour les moins de 12 ans. Non. Mais même. Même. Comment? En tarif réduit? Non, il n'y a pas de tarif réduit. Pour les Mongoliens. Non, il n'y a pas de Mongolien. Attends, Gérard, moi j'ai rarement vu des places à 30 balles à Paris. C'est n'importe quoi. Et même en province, je pense que c'est pareil. Quoi. Non, mais attends, dans ta ville de Troyes, il n'y a pas de cinéma. J'y étais une fois, il n'y a aucun cinéma dans ta ville. Il y a des cinémas, mais moi je faisais comme Ananas, je passais par derrière. Ouais, bien sûr. Bon, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que c'est 50 balles maintenant parce que la vie évolue et qu'on pollue le système. Bon, quelle heure il est ? On revient toujours à la pollution. Bah ouais. 1h54, non, on continue pas la pollution. Donc, oui. J'ai une question, non, vas-y, on change de question. Vas-y, si quelqu'un voulait réagir sur les places. Oui, alors il y a Corben qui demande si Godzilla paye sa place quand la pollution est niveau 3, mais ça va pas rapport. Non, mais ça, je vois pas le rapport. On s'en fout de ça, Rigaud, on t'a déjà dit. Non, mais il fait bien de poser la question, mais c'était pas le thème du débat. C'est qui sur IRC? C'était Corben. Bah, Corben, c'est pas du tout la. Gérard, donc à la place de Scooby-Doo, on accueille Poussin. Poussin, donc. Bonsoir. Bonsoir, Poussin. Bonsoir, et à la place d'Ananas, on accueille Yoshimitsu de Caen, où on peut écouter Fun sur 96.3 FM. Comment tu l'appelles, Yoshimitsu. Salut, c'est Yoshimitsu. C'est Yoshimitsu à l'appareil. Salut. Salut, Yoshimitsu. Salut, Gégé. Salut. Donc, on va attaquer la quatrième. Regardez-vous la télé sur les films sortis? Donc alors, je refais la question. Ouais. Par exemple, quand vous regardez la télé, ouais. Par exemple, le mercredi, oh là, il y a des téléphones qui sont pourris, là, j'aime pas ça. Je crois que c'est Poussin. Et Poussin, tu en es pas comme un bœuf? Non, c'est pas moi. Hein. Bah si, bah, okay. Là, dès que tu parles, ça s'arrête. Donc, est-ce que vous regardez, par exemple, le mercredi, vous avez des films qu'on vous annonce à la télé? Ça s'appelle des bandes annonces. Voilà, des bandes annonces. Sur exclusif, pas de bon goût. Non, sur exclusif, je pense pas que j'en ai encore eu. Pas de gros mots. Alors donc, est-ce que vous les regardez? Est-ce que vous regardez l'avant-première du film qui sort Ah, il passe les avant-premières. Oui, il passe les bandes annonces du film. Et ça, je peux le confirmer. Donc, on va demander à Moulinette. Oui. Donc, pour toi? Alors, moi, je ne regarde jamais ça, parce que ça te donne toujours une image carrément faussée du film que tu vas aller voir. Mm-hmm. Je me fais une opinion plutôt par les journaux et plutôt par mes amis. Ouais, mais attends, Moulinette. Oui. Dans ces cas-là, si tu regardes pas la bande-annonce. Oui. Sur, à la télé. Oui. Donc, sur les journaux, c'est pareil. Oui. Donc sur les journaux, ça te met la bande-annonce du film qui sort. Oui. Donc tu vois l'image. Pas du tout, Gérard. Ah si. Tu ne vois pas l'image sur le journal, Gérard. Si. Ah oui. Moi je peux te dire que si. Je peux. Elle bouge pas aussi. C'est parce que tu lis des BD, Gérard. Non. Avec Gérard, elle bouge l'image. Hein, non mais moi je peux te ramener un journal, pas demain, mais mardi si tu veux. Moi je te ramène le journal et tu vas voir. Même mercredi, je peux te ramener le journal, comme quoi que la bande-annonce, ils vont te mettre la bande-annonce des films, ils sortent le jour même. Ta penthouse, ça m'intéresse. Donc, Tulip. Bah moi, ça m'intéresse énormément, parce que vu le peu de films que je vais voir, je suis sûr au moins qu'il m'intéressera ou pas. Ouais, mais, voilà, qui c'est qui a un téléphone c'est pourri, c'est Poussin, je sais pas, elle le gratte sur son menton, sinon... Et c'est parce qu'elle a de la barbe ou quoi? Elle a pu tracer, c'est ça. Elle a de la barbe. Mais non. Oh, vous vous calmez, s'il vous plaît, derrière, merci. Pardon. Tulip. Oui. Je me demande si à Toulouse, vous avez ciné, hein. Mais je me demande si vraiment vous avez des salles de cinéma. Ouais. Ah si si, franchement, Gérard, il y a des salles de cinéma. Ouais, ça m'étonnerait, hein. C'est pas le tiers monde, hein. Ouais, mais attends, à 19 ans, je crois que t'es en pleine étude, ça m'étonnerait que t'ailles voir des films. Je travaille, Gérard, je suis plus dans les études, moi. D'accord. Moi, je voulais te poser une question, Gérard. Imagine, tu vois la bande-annonce le mercredi. Mm-hmm. Bon, une bande-annonce, ça dure combien de temps? Ça dure 1 minute, 1 minute 30? Moi, grosso modo. Qu'est-ce que tu vas te faire chier après aller voir le film? Non, mais de toute manière, sur la bande-annonce, ouais, tu vois presque rien. Ah bon? Tu vois presque rien, faut voir le film réel. Hmm. Par exemple, sur Godzilla, t'as vu quoi? T'as vu simplement le monstre qui cassait carrément l'hôtel. Ouais, mais après, ça dans le film, de toute façon. Oui, non, mais il fait que ça. Je suis d'accord. Raconte pas. Non, mais attendez, je réponds à Manu. Oui, d'accord, Manu. Il fait que ça. Ok. Alors, bah ouais. Ok. Donc, mais, ça sert à rien d'aller voir le film après. Mais si. Pour les gens qui aiment bien voir des films comme ça, peuvent aller le voir. Moi, je leur conseille d'aller le voir. Mais ça sert à rien de dépenser 50 balles si tu vois une bande-annonce où ouais, tu racontes tout. Non, mais ils vont pas dépenser 50 balles parce que le mercredi, c'est moins cher. Là, sur tous les chiffres que j'ai eus, le moins cher, c'est 30 balles la place. Hmm. Hein? Donc, Rigo, oui. Ouais, ça va. Il y a encore Corben. Ouais, ça va. Ok. Non, c'est bon. Il y a encore Corben qui demande si le Titanic a coulé à cause de Godzilla qui était monté à bord. Alors là, c'est vrai qu'on n'a pas on parle de Godzilla, on parle pas du film Titanic avec Céline Dion et Leonardo DiCaprio. C'est vrai que ce film-là, c'est vrai. Non mais c'est vrai que ce film-là a fait un ravage. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, c'est pas lui qui sera dans les premiers. Eh GG, c'est Céline Dion ou c'est Lara Fabian, t'es sûr? Non, c'est Céline Dion, attends, tu permets. Attends. Je l'ai pas vu. Mais tu l'as pas vu, mais moi je peux te dire une chose que c'est Céline Dion. Ah, c'est pas Laurent Fabian. D'ailleurs, elle est super belle dans ce film. Elle est trop belle. Elle a changé. Elle joue un rôle. Elle joue le rôle, si je me souviens bien, elle doit jouer le rôle de la vieille épouse. De la non, baleine. Non, elle doit jouer le. De l'iceberg. Oh, mais arrêtez là! Mais j'ai rien dit moi! Tout à l'heure, toi, je vais t'éclater ton bénure! Ah, tu attends de casser les burnes, mais j'ai rien dit. Ok. Vas-y, continue, Gérard. Je pense qu'elle joue le rôle de la femme de Leonardo DiCaprio, mais je suis pas sûr. Ouais, Leonardo DiCaprio. Donc on va demander à Yoshimitsu là. Yoshimitsu, tu restes correct quand même. Ouais ben. Attends, moi je t'appelle pas Gérald. Ouais, allez, vas-y. Alors c'est Yoshimitsu. Ben moi je suis un vrai fan de cinéma et en plus on n'est pas très riche, donc moi j'ai carrément pas la télé, je vais qu'au cinéma. Donc en fait, ben les bandes annonces je les vois pas à la télé quoi. D'accord. Voilà. Ok, Poussin. Poussin. Oh putain, mais merde. Mais j'ai rien fait, elle est là. Non mais je suis là hein. Allez, mais j'ai rien fait. Non, moi ce que je voulais dire c'est que les bandes annonces c'est bien quand même de pouvoir les voir à la télé. Au moins ça te donne envie d'aller voir les films. Ah ouais, ok. Et au moins, tu peux savoir les extraits de films, comment ça se passe et tout ça. Ah ouais, d'accord. Ouais, super. Donc tu peux y aller et puis tu peux... celui qui dit, d'accord, super, tu la fermes derrière, s'il te plaît, merci. Ouais. Si par exemple ça t'intéresse pas, tu vas pas. Comme ça te donne un point de vue. Ok. Cactus. Ouais, moi je m'y intéresse beaucoup aux bandes annonces parce qu'en fait, je me fie pas aux opinions des autres. Et quand j'accroche avec une bande annonce, je vais voir le film et quand j'accroche pas, je vais pas le voir, voilà. D'accord. Christian. Oui, ben les bandes annonces, moi je les vois dans les salles de cinéma quand il y a avant de commencer les films. Mmh. Ils présentent beaucoup de bandes d'annonces. Des bandes annonces. Oui, des bandes d'annonces. Oui, c'est ça que je te dis. Bandes d'annonces. Donc, que pensez-vous des... C'est la question suivante, c'est ça, Gérard? Ouais. D'accord. Donc, que pensez-vous des journaux sur les films X, même voir à la télé? Donc, vous allez réfléchir, et on va se retrouver d'ici... Trois minutes. L'espace d'un disque, quoi. Et on va s'écouter les petits poils de bouc avec des slips et toujours 0875 0875 0803 0800 3085 je pense. Voilà. Et 0 et 3615 code Fun Radio rubrique direct et toujours l'IRC. On vous retrouve d'ici 3 minutes. te voilà. Ah, Gérard, te voilà. Et voilà, vous venez d'écouter les petits poils de bouc avec des slips. Et on récupère donc Moulinette. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Bonsoir, la Dream Team. Tulip. Bon, salut. Bonsoir, Gérard. Dis bonjour, Manu. Yo. Yoshimitsu. Ouais. Poussin, ouais. Bon, bah, Poussin, je suis... Elle arrive, non. Poussin, elle court. Cactus. C'est là. Elle roule. Oh, s'il vous plaît, derrière, on se calme. Aussi. Donc, Christian de la oui. Saint-Cloud. Oui, celui-là. Rebonsoir. Donc, alors, quatrième, cinquième, vous l'avez entendu. Vous l'avez tous entendu, la cinquième question. Tu peux nous le rappeler, s'il te plaît. Oh non, mais attendez, je veux pas. C'est sur le cul. Oui, c'est Poussin. Oui. Bon, ok, on t'a entendu. Alors, que pensez-vous des journaux sur les films X ou à la télé? Putain, mais arrêtez de renifler comme des bouches. Ah, oh là là, ça m'énerve. C'est la barbe de Poussin. C'est vrai, arrêtez de renifler, quoi. Arrêtez de respirer, c'est tout. Vas-y, laisse-nous vivre. Ben, si ça te plaît pas, toi, c'est le même prix que tu vas dégager, ok? Bon, alors, la question, Gérard, on y va, oui. Alors, que pensez-vous des journaux sur les films X et même à la télé? Donc, on va demander à Moulinette. Ouais, alors moi, t'as du pot parce que j'adore ça. Mm-hmm. J'adore regarder, en fait, les petits journaux qui vendent des cassettes porno. Parce que t'as toujours le résumé de l'histoire avec des mots super crus. Mm-hmm. Ça donne vachement envie de regarder le film. J'adore également le journal du Hard parce que ça me fait délirer. Ouais. Mais non, mais attends, journal... C'est pas fini. C'est traité sur un ton comique et tu vois vraiment des images avec des... Ouais, non, mais attends, Moulinette. Des organes. Moulinette. Oui. Mais attends, s'il vous plaît, derrière, on se calme. C'est une salope. Ben non, j'aime ça. Non, mais... Ah, t'aimes ça, un salope. Oh, Moulinette. Oui. Alors, t'as 21 ans, tu fais quoi dans la vie sans indiscrétion? Oui, je travaille dans une boulangerie. Ah ouais. Et tu crois que tu peux te permettre de t'acheter? Mais je dis pas que je les achète, je dis que je regarde les... Non, mais est-ce que en travaillant dans une boulangerie, oui. Tu peux te permettre de louer Canal Plus? Bah bien sûr. Ouais, tu te fais combien sans indiscrétion par mois? Bah ça te regarde pas, mais oui, j'ai les moyens d'avoir Canal, c'est ce que je veux, Gérard. D'accord. Tulip. Bah moi, sans vouloir paraître coincé, ça m'intéresse pas vraiment, mais bon, si ça intéresse des gens, moi je trouve que c'est bien. Il faut que t'essayes, Tulip, c'est génial. Non mais attends, Moulinette, pour l'instant, je demande à Tulip, ok? C'est mais plus non, Moulinex. Je lui conseille. D'accord. Yoshimitsu, là. Yoshimitsu, s'il te plaît, reste poli. T'as qu'à prendre un autre nom, d'accord? Parce que tout à l'heure, je vais t'appeler... Attends, c'est ses parents. Attends, t'es gentil, c'est mon vrai nom, je suis thaïlandais, ça te pose un problème? Non mais... Calme, bon, je te réponds maintenant. Écoute, tu me parles sur un autre nom! Tu me parles sur un autre nom, d'accord? Toi aussi, Gérard. Allez, calme-toi, Gérard. T'énerve pas, Gérard, ça sert à rien. Ok. On va repartir sur de bonnes bases. Ouais, je pense. Calme. Hein, Tony? Ben non, il n'y a pas de Tony. Ils sont en vacances, je te dis. Ils sont en vacances, ça m'étonnerait. Ils sont en Afrique. C'est pas Tony, hein, GG, t'as tout. Ils sont en vacances. Alors, moi, ouais, je suis un gros fan de films X. J'en consomme pas mal. Et dernièrement, j'ai vu Ouvre la fenêtre que je te mette et Change de trousse à fume. Et franchement, je les conseille à tout le monde. Non, d'accord, je vois pas du tout le rapport avec la question. Avec le cul, ouais, t'as raison. Ouais. Poussin. Bah écoute, je pense que si ça intéresse des gens pour regarder des cassettes porno, moi je pense que personnellement, c'est pas utile de regarder des cassettes porno pour prendre son pied. Tu regardes pas, toi? Non, pas du tout. Ah bon? Je trouve que c'est... Enfin, s'il y en a qui veulent regarder ça, ils regardent ça s'ils veulent, mais c'est pas intéressant, tu peux prendre ton pied autrement. Et ton mec, d'accord, regarde ça? Attends, GG. Non, attendez, 5 minutes, attendez, vous allez répondre après, il y a une question... Oui, sur IRC, SebZ te demande, Gérard, si tu préfères les films X, Y ou Z. Aucun des trois. C'est ça la différence. X, X, Y, Z, X, Y, Z. Z. Non, les films X ou les films Y ou les films Z. Bon, déjà, des films X, c'est les films porno, des films Z, ça n'existe pas, et des films quoi après? L, Y, non plus. Ah bah on me dit que ça existe et que en fait tu connais rien sur le cinéma et que tu devrais pas faire un débat là-dessus. Eh ben dans ces cas, s'il est pas content, il va au ciné. Hein. Il va au ciné lui-même. Cactus. Moi honnêtement, je m'intéresse pas à ce genre de truc parce que j'ai assez d'imagination pour me passer de ce truc-là. Mais ça fait un bon délire, ouais, ça me dérange pas, regardez. Ah derrière quand quelqu'un parle, s'il vous plaît. Oh là là. C'est Poussin, Gérard. Non, non, c'est pas si, vrai. Si, je l'enlève, je la remets, c'est elle. Ouais, c'est vrai en plus. Hein. Ouais, bien sûr. Vous voulez la virer? Non, okay. Bah non, elle est là. Bah non, non, vous voulez la virer, mais vous êtes là, Poussin? Poussin? Non, oui, elle est plus là, tu vois. Mais c'est là. Là, tu t'amuses, là. Oui, je suis là. Tu vois, elle est là. Bon, on continue, vas-y. Mais non, c'est moi qui réponds. Donc, cactus pour toi? Non, mais je disais que je m'intéressais pas plus que ça à ça, parce qu'en fait, j'ai assez d'imagination pour créer mon propre truc. Mais c'est vrai que pour taper un délire, ça me dérange pas de regarder ce genre de truc, ouais. Christian, pour finir. Bah, moi, j'adore ça. Oh, ouais, bah, bah, vicieux. Moi, j'envoie pas mal de photos à Max. Ouais, bah, ça, on le sait. Ça, on le sait. Hein? Oui. Et chez moi, à Fesse-Saint-Cloud, j'ai pas mal de tableaux des femmes avec des culs. De quoi? Même dans les chiottes. D'accord. Excuse-moi, avant que tu répondes, ouais, j'ai une question de Sucette, 22 ans sur Minitel, qui demande à quel âge tu as vu ton premier film de cul. Ça, j'y répondrai pas à elle. Bah pourquoi? C'est indiscret? Non, non, mais ça, c'est des questions. T'en as déjà vu un ou pas? Non, mais c'est des questions qui sont atteintes à la vie privée, donc sur la vie privée, je réponds pas. À 17 ans? À 17 ans, tu l'as vu? Je répondrai pas. C'est tout? Oui. Gigi, c'est Yoshimitsu. Oui. Tout à l'heure, Poussin, elle disait qu'elle connaissait pas trop les films. Moi, si elle veut, je me propose gentiment de lui faire découvrir. On pourrait échanger nos coordonnées en antenne. Et non, mais tu vois, je pense qu'à mon avis, Poussin, elle sera peut-être pas d'accord. Poussin? Poussinou? Oui. Poussin, tu vois. Je suis là, hein, j'écoute. Hein. Non, mais réponds, tu poses une question, Poussin. Non, mais en fin de compte, ça m'attire pas trop. Hein. Non, mais je vais te faire découvrir, après on essayera et tout, non? Non, c'est pas un truc qui m'attire. Hein. T'as ce qu'il faut à la maison? T'as ce qu'il faut à la maison? Comment? Tu as ce qu'il faut à la maison? Non, c'est pas ça, mais je regarde pas ce genre de choses. Je regarde plutôt des cassettes comiques ou des cassettes plus intéressantes que ça. Ok, bon, ben. Ok. Mais ça y est. Il y a aussi des mangas. Les mangas, c'est des dessins animés comiques et il y a du cul aussi. Ouais, mais ça, moi, je regarde pas les dessins animés. Donc, une question, ça, je pense que c'est dommage parce qu'on en a pas beaucoup, là. Et c'est bête parce que cette question-là, je vais la poser. On en a, c'est pour les nanas? Non, ça concerne certaines personnes. C'est un reportage que j'ai vu hier, donc c'est malheureux. Je vais le passer parce que c'est ma question. Ouais. Avez-vous déjà vu un film sur les routiers? Ça, je sais, c'était. C'est du cinéma, ça? De cul? Non. Non, attendez. Je peux vous dire une chose que. Avez-vous déjà vu un film sur les routiers? Je peux te dire une chose, que c'est un film qui est passé sur je sais plus quelle chaîne. C'était pas un film, Gérard, c'était un reportage. Non, je sais, il y avait un reportage hier sur les routiers, ouais. Mais il y a un film qui est passé sur la 6, M6. Ça s'appelait Le Convoi. C'est un non-voyant. Téléfilm, ça n'a rien à voir avec le cinéma, Gérard. Comment? Si ça c'était un téléfilm, ça n'a rien à voir avec le cinéma. Ah mais non, mais c'est Cactus là qui parle. Ouais. Moi je vais dire une chose, Cactus, que le film est passé sur M6 et qui a duré pendant une heure et demie. Et c'est un mec... Gérard, excuse-moi, il y a une grave erreur, pas de marque. Non mais sur la chaîne, je m'en fous. C'est chaud. Ah bah non. Rigo. Et à propos de films sur les routiers, on me conseille Mêlée ouverte pour routier à moustache. Non mais ça, c'est un bon film. Je l'ai vu, c'est un bon film. Il y a de la moustache là-dedans. Non. Allez. Ça suce grave. Non, allez. On revient sur la question là, des routiers. Donc je peux vous dire que ce film-là est bien passé et je l'ai vu. Avec Jean Gabin. Non, Christian, c'était pas avec Jean Gabin. Attendez, excusez-moi, parce que bon, Gérard, t'as vu le film, explique-nous un peu peut-être ce que ça racontait. Ben, attends, on va demander s'il y a des gens qui l'ont vu. Pas tous en même temps, pas sous en même temps. Yoshimitsu, je l'ai vu. Oui. C'est l'histoire d'un routier qui glisse sur une plaque de verglas et ça se finit mal. Bon alors toi tu peux dire non ça mais il a fait ses valises, ça y est, il est parti. C'est plus la peine qu'il revienne. Tu me prends quelqu'un d'autre sur les 24 lignes sur les 3 lignes là. Ah, il n'y a plus que 3 lignes. Non, c'est parce que c'est plus le 0800-75000, mais le 0803-085000 exclusivement. Alors, donc, voilà. Si vous voulez nous appeler pour réagir sur cette question-là, faites vite, parce que dans 4 minutes, je change de question. Mes numéros verts est toujours disponible sur IRC, sur Minitel. Donc, Christian. Oui, ben moi, j'ai vu un film comme ça, de con, de routier. Mmh, de con, oui. Non, non, c'est le titre du film, ça s'appelle Le Convoi. Oui, c'est ça, que j'avais vu avec qui, il y avait Jean Gabin, puis qui traversait un camion. Non, Christian, tu te trompes. En moto, non. Non, tu te trompes. Cactus. Personnellement, je ne l'ai pas vu, mais si tu me raconterais un petit peu de quoi ça parle, je pourrais te dire un petit peu mon avis. Non, ben, pour l'instant, je vous raconterai tout à l'heure, parce que je peux vous le dire, je l'ai vu, ce film-là, il est très beau à voir. Bon, ben, je me ferai pas d'opinion, alors. Non, mais j'expliquerai après. Poussin ? Ben, moi non plus, j'ai pas vu le film, donc je pourrais pas te répondre. Tulipe ? Moi non plus, j'ai pas vu. Alors, Moulinette ? Moi, je l'ai pas vu, mais par contre, j'ai vu un épisode de Drôle de Dame où elles enquêtaient sur le milieu des routiers, et elles étaient routières. Ah, c'était bien ça, je l'ai vu aussi, ouais. Il était sympa, hein ? Ouais. Non, je pense que là, vous faites illusion. Donc, donc c'est moi, pas l'histoire du film ? Non, l'histoire du film, c'est... En fin de compte, c'est un gars qui part avec un autre pote. Et bon, hein, c'est malheureux à dire, c'est un black. Ouais. Donc, il se fait taper sur la gueule. Et pourquoi c'est malheureux à dire ? Pourquoi c'est malheureux, Gérard ? Non, parce qu'il y avait un peu de racisme dans l'histoire du film, voilà. C'est ça ? Voilà. Okay. Et en fin de compte, t'as tout le monde, t'as même un truc. Ça, c'est ce qui m'a... Dans le passage du film, ce qui m'a fait marrer le plus, et je voudrais bien qu'il repasse, c'est que tu vois des prêtres qui sont tous en train de dire « Amen ». C'est excellent. Et, non, mais ils s'amusent. Et en fin de compte, ils vont... Après, t'as les routiers... T'as Alain Delon, ouais. Non, il n'y avait pas Alain Delon. T'as tous les routiers qui organisent une chaîne. Fernando. Parce que... Non, qui organisent une chaîne parce que... Parce que t'avais pété celle de ton vélo. Non. Parce que lui, sa femme est enceinte. Oula. Et il veut la retrouver. Ah, ils veulent la porter jusqu'à la clinique. En fin de compte, il se fait arrêter par les flics, il se fait tabasser dessus à mort. Ouais. Et en fin de compte, t'as tous les routiers qui se mettent, qui déboulent tous. Tu vois, plus de 150 routiers. Ah, bah, ça doit faire un beau bordel. Ah, oui. La solidarité. Ouais, non, mais faut dire une chose que. Ça fait un paquet de posters de cul aussi. Comme dit Manu. Ça fait un beau bordel. Un beau bordel. Quand tu vois 150 routiers, tu vois même les mecs qui nettoient la route avec leur gros camion là, qui t'envoient de l'eau des deux côtés. Oui. Donc tu les vois tous qui arrosent. T'as les motards qui les escortent jusqu'au bout. Mm-hmm. Et après, t'as tous les camions qui défoncent le commissariat. Mm-hmm. Et après, ils vont dans un stade et ils font le truc du corbillard parce que soi-disant qu'il serait mort. Mm-hmm. Et en fin de compte, tu le revois... Non mais c'est drôle à voir et en plus c'est un camion citerne et il y a une nana qui est avec. Enfin, faut aimer les camions. Hein. Bah oui, ça faut apprécier. Oui, ouais. Rigo. Oui, la plupart des gens sur IRC me disent que les routiers c'est pas du tout le thème du débat. Ouais, mais ça, peut-être pour ça, tu le prends dans les dents quand même. Ouais, mais bah ouais, parce que t'as l'air d'en avoir plus beaucoup. Bah ouais. Non, mais c'est peut-être pas le thème du débat, mais la question, c'est avez-vous déjà vu un film sur les routiers ? Ok, et il est bientôt 20, on va passer à une autre question. Voilà. Et d'ailleurs, Gérard, avant ta prochaine question, à la place de Yoshimitsu, on va accueillir Multiplex 19 ans de Toulon, où on peut écouter Fun sur 93.1 FM. Oui, salut, bonsoir à tous. Bonsoir. Salut. Sur combien 93.1 FM sur Toulon. Oui, c'est ça. 93.1, ok. Salut. Salut à toi. Salut à toi. Donc, t'as écouté la question, non ? Ouais, non, on va pas y revenir, hein, c'est ouais, bon. Non, mais je voulais dire que moi, le film, Le Convoi, je l'ai vu. Mm-hmm. Je suis derrière toi à 100%. Voilà. Ouais. Donc, regardez-vous les reportages sur le cinéma. Multiplex, on va te demander à toi. Les reportages sur le cinéma ? Mm-hmm. Du genre exclusif et tout ça, c'est ça ? Non, mais pas spécialement exclusif, n'importe quelle chaîne. Je préfère regarder le cinéma directement, en fait. Mm-hmm. Ouais, mais... Bah, le reportage, la vie des stars et tout ça, ça nous intéresse pas, quoi. C'est un peu leur vie privée, quoi. Mais attends, Multiplex, je pense que tout le monde va réagir, vont me dire oui, mais la vie des stars, ça regarde personne. Mais en fin de compte, la vie des stars, c'est quand même eux qui font le film. Bah, c'est quand même eux qui la vivent, la vie des stars. Ouais. C'est sûr. Allez. Ouais. Ah, donc, c'est sûr, hein, t'as raison. Attends, multiplex. Oui. On va demander à Christian de la salle. Non, bah justement, Christian, je viens de l'avoir, il est parti se coucher. Donc, ah, il est parti. 0803-08-5000 pour nous joindre. Donc, Cactus. Bah écoute, honnêtement, je m'intéresse pas trop à la vie privée. Chacun fait sa vie comme il veut, tant que le film est bon, le reste après, je m'en fiche, quoi. Mm-hmm. Coussin. Bah jusqu'à présent, j'ai pas vu de reportage sur les films, mais pourquoi pas, ça peut-être être intéressant. Mm-hmm. Tulipe. Moi, je suis de son avis aussi, pareil. David qui? De Coussin. David Lynch. Moulinette. Ouais. Moi, j'aime bien savoir ce qui se passe dans la vie privée des stars, parce que je suis une grande curieuse. Et j'aime bien savoir qui couche avec qui, enfin tu vois. Et par contre, leur capacité à bien faire le film, ça passe après, quoi. Pas bien. Mais c'est ça que je me posais comme question dans le cinéma, c'est est-ce que les stars, elles couchent vraiment ensemble dans les films ou pas? Bah ouais, elles font pas semblant, hein. Non. C'est qui répond là? C'est Moulinette? C'est Moulinette, ouais. Non, Moulinette, je pense que tu te trompes. Ils mettent des capotes ou pas? Oui. Ils couchent ensemble et mettent des capotes pour éviter d'avoir des. Non, mais ça c'est pour le film sur la scène. Ouais, mais réel, hein. Non. Non, ils en mettent, hein. Des capotes réels. Réel, hein. Ouais, mais ça ils mettent vraiment des capotes, mais je peux te dire une chose. Que c'est le truc, c'est pour le passage du film. Ouais. Bon, donc tu vas aller voir. Ils vont s'embrasser sur la bouche et autres, ils vont mettre des capotes, ça, ok. Ouais. Mais c'est simplement que pour le passage du film. Ah, d'accord. Que pour le passage de l'extrait. Ouais. Ah, ils couchent seulement pendant le passage, ils couchent pas pendant tout le film. Non, tout le film, tu les auras pas en train de coucher ensemble. Non. Oui. Comment tu peux savoir qu'ils mettent des capotes? Qui Poussin. Non, mais donnez vos noms quand vous réagissez, s'il vous plaît. Merci. Bon, c'est pour ça. Comment tu peux le savoir qu'ils en mettent? Bah, attends, ça se voit vraiment. Ça sent. Attendez. Oui, donc, à la place de Christian qui est parti se coucher, on accueille Rocco, 26 ans, de Tignes. Et la fréquence sur Tignes, c'est 94.3 FM. Oui, tout à fait. Bonsoir. Salut, Rocco. Bonsoir. Salut. Salut, Rocco. Donc, pour toi? J'ai pas écouté la question. Oh non, mais je vais pas m'amuser à faire que ça, hein. J'étais au standard, excuse-moi. Ouais, alors regardez-vous les reportages sur le cinéma. Bah oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. T'aurais pas fumé la moquette? Non. pas du tout. Non, t'aurais pas bu un coup? Il est un peu malade. C'est pas évident de parler comme ça. Ouais, tu serais pas malade? Un petit peu. Ouais, un petit peu. Alors, si t'as rien à dire dans ce cas-là. Moi, il m'a raconté plein de trucs au standard, mais bon. Non, mais attends, malade, Manu. Oui. Le premier s'est bien passé, le deuxième, pour l'instant, il a l'air de se passer bien, impeccable. Je voudrais pas qu'il foire. Non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Ouais. Non, c'est sur IRC, il y a c'était juste pour dire à Manu qu'il faut qu'il rappelle Arnette. Bon, Non. Pour les cadeaux, parce qu'on lui a offert un CD de Céline Dion. Ça serait cool de rappeler Arnette. Non. Pourquoi pas? Ouais, alors, Rocco, tu vas te coucher. D'accord, non, Tony? Pas du tout. Ouais, d'accord, Tony. Allez, bonne nuit. Allez, bonne nuit. Salut, Tony. Salut. Il s'est coupé, hein, avec Manu. Tu me dis qu'on coupe, on coupe, hein. Ah, on coupe. Non, mais tu vois, j'aime pas trop avoir... J'aime pas trop, ça tu le sais. J'aime pas... C'est pas parce que le chef est plus là que les souris dansent, hein. Ok? Ok. Oh bravo, Gérard. Ouais, alors. Bien compté, Tony, quand même. Hein. Donc, tu m'envoies le disque, parce qu'il reste trois questions. En pleine gueule, tu le veux en pleine gueule ou pas? Non, mais je sais pas, je te demande. Tu veux un café en pleine gueule? Non, mais tu peux peut-être poser la question, on gagnera du temps déjà. Ouais. Comme ça, ils pourront réfléchir. Alors. La Formule 1 est-elle un moyen de film? Non, tu me dégages cette question, c'est nul. Sur IRC, on m'a dit, s'il parle de Formule 1, il faut lui dire que c'est pas le thème du débat. Je suis désolé. Attendez, je suis désolé. Vous avez déjà vu un film sur la Formule 1? Non. Si. Et voilà, c'était les petits poils avec... Non, c'est ça. Les petits poils debout. Non, ça c'était le disque de tout à l'heure, Gérard, tu te plantes à chaque fois. Hein. Là c'était les Rita Mitsuko avec le sexe des bébés éléphants et plus gros que le tien, Gérard. Il est largué, c'est vrai. Ouais, c'est cool. Bah, attends, il est largué celui-là, toi, va te faire voir. Chez les Grecs. Va te faire voir, c'est bon. Il a déjà donné le débat, Gérard. Le débat. Donc c'était allez, avec les Rita Mitsuko. Voilà. Donc on va faire un petit. statistiques avec sur le cinéma. Vous pouvez toujours appeler au 0803 08 5000 si vous voulez réagir, bien sûr, aux statistiques de Gérard sur le débat qui porte sur le cinéma. Cinéma. Voilà. Et donc, toujours 3615 code. Fan radio rubrique direct où il y a encore sucette, tige de côte. Enfin, ça, je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est encore un. C'est porno. Ouais, peut-être. Et, non, mais Tony. Voilà, on accueille Tony d'ailleurs. Oh, bonsoir. Ouais, ben Tony. Bonsoir, bah, ça va bien Tony. Se passer. Salut, Tony. Non, mais Tony, je t'ai dit quelque chose. Ok, pas de problème. De toute façon, t'as okay. Géré ça en antenne, Gérard, donc c'est bon, on peut y aller. Donc, alors, les statistiques sur le débat sur le cinéma. Donc, à la question, que pensez-vous du cinéma? Donc, il y a 40 personnes qui ont répondu. Bah voilà, c'est tout. On a répondu à la question. Il y a 40%, pas 40 personnes. Ouais, 40%, mais moi, j'aime bien quand me donne des trucs comme ça. À la question, qu'avez-vous vu dans les cinémas, donc? Alors, 20% aiment les pop-corn, donc je vois pas du tout le rapport avec le film. 30% aiment les ouvreuses, je vois pas du tout. 50% aiment rester chez eux. Ah, il y a pas beaucoup de gens qui aiment le cinéma alors. Hein. Ouais. Donc, 30% qui aiment les ouvreuses. Ça, j'en ai rien à foutre parce que ça rentre pas dans les films. C'est quoi les ouvreuses? Les ouvreuses, c'est celles qui te placent. Mais il n'y en a plus beaucoup en plus. Hein. Bah, je crois qu'il en reste encore pas mal sur. Il y en a deux sur Nantes, je crois. Ouais, puis 20% qui aiment les pop-corn. Alors, ça, c'est les trucs qui nous donnent pendant l'entracte. Ouais, donc, c'est vrai que les pop-corn, les meilleurs pop-corn qu'on a pu manger, c'est quand même au cinéma. Ah, c'est vrai. Bah, ouais, mais ça, je vois pas du tout le rapport. Donc, pour moi, c'est. Donc, il y en a qui vont peut-être au cinéma seulement pour manger les pop-corn. Qu'est-ce que ça pense ? Ou voir les ouvreuses. Voilà. Enfin. Alec, oui, Rigo. Ensuite, non, continue. Non, vas-y. Parce que Arnett, c'est pas la peine d'essayer d'appeler, voilà, ça sert à rien. C'est pas le thème du débat, Arnett. Ça servira à rien pour toi. Ouais. Donc, alors, à la question pour ou contre le cinéma, donc 30% qui sont pour. Donc, j'avais pas posé la question, êtes-vous pour ou contre le cinéma? Donc, ça, je vois pas pourquoi qu'on me donne ça. Et peut-être que les auditeurs veulent répondre aussi aux questions des stats, Gérard. Ouais, mais 20% sont pas contre. 18% sont d'accord, oui. Et 100% sont contre. Ah, si, il y a une erreur de calcul, je crois. Ouais, j'ai l'impression. Hein. C'est 99. Hein. Ouais. Non, mais à mon avis, ça, c'est vous, là. Non, Guignol, là. Hein, Olivier? Non, c'est pas toi, non. Non, c'est pas toi. C'est jamais toi. Non, c'est jamais toi qui fais des conneries. J'ai rien fait. À la question, quel est votre acteur préféré? Alors 100% ont répondu Georgette Bitoun pour sa prestation dans Les Pigeons aiment les goélands. Alors ça, Olivier, ça je dis une chose, que maintenant c'est toi. J'ai rien fait. Alors ça c'est toi. Alors il y a 100% qui dit regardez-moi de les goélands, donc tu prends le temps. Pas pour moi, c'est une mouette, va voir les goélands. Allez hop, dégage. Ça c'est des conneries. Hein. Tu peux rappeler le titre du film? C'est 100% les pigeons aiment les goélands. Donc, à mon avis, c'est 100% vos gueules les noix de les goélands. Ok, Olivier. Merci. Merci, Olivier, pour le Larsen. Donc, la suite, Gérard. Alors, à la question quel est le dernier film que vous avez vu? Alors, 50% ont vu Les Beaux Camions. Je l'ai vu aussi, il est super, ce film. Avez-vous vu Sibi? Hein, Olivier? Et 100% ont vu, c'est pas le thème du débat. Olivier, tu prends ça et tu vas te torcher. J'ai fait ça, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Non, c'est pas toi. Mais c'est les Français qui ont répondu. C'est non. Ça, pour moi, c'est des conneries. C'est un sondage. Non, mais même pour moi, c'est des conneries. C'est un sondage de la Gondose. Ouais, mais ça, c'est un sondage bidon. C'est Samzel qui nous a passé. Ben oui, c'est ça. T'as raison. Gérard, tu veux que je lui garde et que je lui fasse boire demain? Et tu pourrais rajouter sur ta liste éclate-moi la chatte à la grenade. Ouais, ben toi, tu promets d'éclater ta voix basse. Ok? Yes. Merci. Donc, on en était où, Gérard? Alors, les Montgolfières ont-elles sorti un film? Les quoi? Les Montgolfières. Les sœurs Montgolfières. Les sœurs. Les Montgolfières ont-ils sorti un film? Tu veux dire quoi par là, GG? Alors, les Montgolfières, c'est un ballon dirigeable qui s'allume avec du gaz. Donc, c'est pas des parachutes, alors? Non, c'est un zizi avec des poils qui tombent tout seul du désert et qu'on retient avec quelque chose. Ah bah voilà, maintenant je comprends déjà beaucoup mieux ce que tu veux dire. D'accord. Bah, moi personnellement je n'ai jamais vu. Hein. Qui c'est? Donne ton nom. Non, non, mais attends. Tony. Tony. Tony. Ouais. Tony. Calme. Ça va? Tony, tu vas l'affirmer parce que les bites, je veux pas entendre ça à 2h36 du matin. Ah, alors tu vas voir Manu au standard. Non, non, tu vas voir Manu au standard. Il va te donner en fait les synonymes qu'on peut dire à cette heure-là. Et tu reviens, t'inquiète pas. Non. Donc Poussin voulait répondre, à toi. Donc ce que je voulais dire, GG, c'est que les mots montgolfières, ça n'a rien à voir avec le cinéma. Je comprends pas pourquoi tu... Non, mais il y a des films sur les montgolfières. Oui, mais ça dépend. Si tu parles de reportage, oui, mais si tu parles de film, j'en ai jamais vu. Ben, t'as qu'à regarder de temps en temps la télé. Oui, Rigo. Oui, non, mais j'ai pas le temps de regarder la télé. Poussin, merci. À propos de montgolfière, il y a Yankee qui demande si tu as un cerf-volant. Non, mais de toute manière, c'est pareil. Les cerfs-volants, tu les tires sur des trucs, mais il faut avoir du vent. Là, pour les cerfs-volants, les montgolfières, c'est avec du gaz. Hein. D'accord, mais ça, c'est super calé dans Tony, le ciné, ça. Tony, s'il te plaît, tu te calmes. D'accord. Parce que tout à l'heure, tu vas pas finir le débat. Gérard, excuse-moi, on va peut-être revenir justement dans le thème du cinéma, parce que là, je crois qu'on s'égare. Le thème, c'est pas Tony, le thème. Hein. Non, mais pour l'instant, derrière, tu t'es aussi. Ouais. Donc, allez, on y va. Donc, tiens, Tony, maintenant, toi. Ouais, mais le problème, c'est que moi, je suis tout le temps standard, pour un rien, pour un oui, pour un non. Alors, moi, je voudrais bien que tu me répètes la question, s'il te plaît. Non, mais attends, là, c'est normal. Là, c'est normal. Là, tu m'as demandé des synonymes de machin. Non, non, mais t'as entendu la question avant que t'ailles au standard. Ah, les sœurs montgolfières. Ouais. Ouais, bah, je suis allé voir tous leurs films. D'accord. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, c'est de la balle. C'est planant, hein? Ouais, c'est planant, c'est beau. Ouais, j'aime bien quand t'es comme ça, Philippe, quand t'es de bonne humeur. Ouais, Cactus. Je te kiffe. Ouais, c'est vachement planant comme film. Ouais. Donc, Multiplex. Oui. Bah, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est très bien, mais il faut pas se moquer de ces gens-là. Il n'y a pas de quoi être fier du tout. Ouais. Tulip. C'est super aussi, moi je trouve. Et Mooninette. Ouais, non, moi j'ai vu pas mal de films sur les Mongols. Maintenant, savoir s'ils étaient fiers, je sais pas. Bon alors Mooninette, ils ont pas compris la question. Non non mais je pense que on parle des montgolfières, on parle pas des mongols. Voilà. D'accord. Parce que toi pour l'instant t'as une tête de mongol toi. Et si je te dis trisomie 21. Bon alors Mooninette, bonne nuit. Voilà. Allez hop. Mooninette, au revoir. Allez hop. Dégage. M'appelle Arnette. Appelle Arnette. Mongoldo. Non non Mooninette, bonne nuit. De toute manière on rappelle plus personne là. Ça va être terminé, alors. Ah, c'est dommage, il y avait des filles qui voulaient te parler. Non, non, mais on... Allô ? Non, non. Oui, Gérard. Non, non, c'est bon, c'est pas la peine, j'ai dit. C'est Conchita. Conchita, tu as perdu ton ménage. Mais elle était folle de toi. Hein. Donc, dernière question. C'est la dernière, et là, oui, c'est la dernière, il est 40, on arrête après, c'est tout. Ah, non, il faut aller jusqu'à 3h, là. Non, non, mais on arrête après, c'est tout. T'as signé un contrat, il faut aller jusqu'à 3h, hein. Mais attends, si t'es pas content, Tony, tu dégages. Mais ton contrat, il y a marqué jusqu'à 3h, tu vas jusqu'à 3h. Bon, alors, Tony, tu revois... Non, mais attends, c'est vrai, Gérard. Bon, ce coup-là. Attends, Gérard, non, mais on pourrait... Attends, non, non, t'es payé pour 3h de débat, si tu commences à te casser avant la fin... Non, mais on pourrait faire encore 2 questions. On pourrait faire encore 2 questions. Non, mais j'aurais une question cinéma, après. Il faut lui enlever 100 francs de ticket restaurant, c'est tout. D'accord. Alors, là, tu le dégages. Ça, c'est... C'est Polo. C'était Polo. Polo. Bon, allez, on va reprendre là, on enchaîne la question. La France sort-elle plus de films que. La France sort-elle plus de films qu'aux États-Unis? Ça, c'est une question intéressante. Ah, oui, tout à fait, tout à fait. Qui? C'est Multiplex. Oui. Ah, tout à fait, je pense que la France sort bien, elle sort tard, et beaucoup plus qu'aux États-Unis, bien sûr. C'est clair. Non, mais attends. Et c'est clair. Multiplex! Oui. La France sort-elle plus de films qu'aux États-Unis? Je vois pas du tout avec ce que les Français ont à faire dans la rue. Non, mais de toute façon, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Hein. Ouais, mais la France, elle sort plus que 2 films par an. Ah, voilà, ça, c'est Tony qui répond. Oui, bonsoir. Non, mais Tony, bonsoir. Tu te calmes, s'il te plaît. Gérard. Oui. Donc, c'est Poussin. Moi, ce que je voulais dire, c'est que les films en Amérique, ils sortent plus, enfin, ils sortent en première, enfin, en première fois par rapport à France. Pas du tout. Excusez-moi, si je peux me permettre. Ils sortent d'abord en Amérique et après, on les voit, ils sortent en France. Non, rien à voir. Non, pas du tout. Qui c'est qui n'est pas d'accord? Multiplex, regarde. Ouais. Un film français, Les Visiteurs, tu ne vas pas me dire qu'il est sorti d'abord aux États-Unis. C'est du mytho, ça. Non, mais attends, dans ce cas-là, on va. Gérard et Sandy sont allés à New York, c'était un peu Les Visiteurs. Tony, s'il te plaît, tu t'écrases. Mais Godzilla, il est sorti en Amérique d'abord. Hein. Oui, il est sorti en avant-première en Amérique. Et après, Attendez. Chacun son tour. Attendez. Qui c'est qui dit n'importe quoi? Tulipe. Tulipe. Non, c'est pas ça. Ah, pardon, excuse-moi, Gérard. Parce que je m'occupe d'une petite, alors elle pleurait. Ah non, mais dans ce cas-là, si t'as quelqu'un avec toi, ça sert à rien de réagir. Elle fait du babysitting. Elle a besoin d'un rempotage, Tulipe. Hein. Alors, Tulipe? Moi, je sais pas. Ah, tu sais pas? Bah, je sais pas pour la France et les États-Unis, je sais pas du tout. Alors, moi, je peux vous dire une chose, que le film Godzilla, qu'on a été voir en avant-première, est sorti à New York. N'importe quoi. Ah, mais c'est pas le seul film. Alors, attends. Ouais. Mets-moi tout le monde en air. Ils sont tous. On va savoir qui c'est qui s'amuse à dire n'importe quoi. Allez. Sans, c'est une fille. Alors, vas-y. Déjà, c'est pas moi, c'est bon. Vas-y, n'importe quoi. Vas-y, parle, allez, n'importe quoi. Explique. Vas-y, n'importe quoi. Allez, les filles. Allez, t'as pas de couilles, n'importe quoi. Non, vraiment, c'est une fille. Mais alors? C'est bizarre, y a personne. Là, y a personne. Y a rien. À mon avis, c'est grosse autruche, là. Ah ouais. Il y en a une qui a rien entre les jambes. Hein. C'est grosse autruche, là. C'est le vilain petit canard. Ouais, tu vois, explique-nous, Gérard, pourquoi alors Godzilla est sorti à New York en avant-première et pas en France, par exemple? Bah, parce que c'est... Pour se faire pardonner, parce qu'il a détruit New York. C'est un film qui est sorti à New York en premier. Ça a été sorti sur New York, parce que c'est pas parce que c'est un film que Jean Reno a fait en avant-première là-bas, dans les villes de New York. Ouais. Ça sort en premier. Donc, il est sorti d'abord en avant-première. Après, il est sorti sur les écrans parisiens depuis le 16 septembre. En avant-dernière? Non. Ah si, en avant-dernière. Bah oui, parce que c'est en dernier. Mais non, allez, arrêtez vos conneries. Donc, qui c'est qui n'a pas répondu? Il y a pas mal de monde encore. Hein. Tulipe? Ben, moi, je viens de répondre, Gérard. Oui. Alors, Multiplex? Déjà fait. Oui. C'est Cactus. Cactus et Poussin qui n'ont pas répondu. Si, j'ai répondu. Cactus? Moi je dirais que je laisse la parole à quelqu'un d'autre parce que je sais pas quoi te répondre. D'accord. Pourtant, c'est un sujet intéressant. Moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Non, mais Cactus. Oui. T'as jamais été au cinéma encore? Mais si, j'ai déjà été au cinéma, Gérard. Non, mais attends, t'as jamais été voir des films? Mais si, j'ai été voir le Titanic. J'ai déjà été voir des films, t'inquiète pas pour moi, Gérard. Tony, pour finir. J'ai répondu déjà. Ok. Non, c'est ce que je voulais te demander, Gérard. Pourquoi? Ah, Rigaud, une question IRC, pardon. Oui, question IRC, pour finir. Riff qui demande s'il y a plus de pollution en Amérique qu'en France. Excuse-moi, j'ai... Non, mais ça... C'est avant, ça. On est plus Rigaud, de... rien, hein. Non, mais c'est pas Rigaud, c'est l'IRC. Ouais. La pollution s'est terminée depuis une heure, donc... Il y en a eu quand Gérard est allé. Ah, il y a quelqu'un qui a coupé. Ah, voilà. Donc, ce que je voulais te demander, Gérard, c'est que tu sais, il y a des films français, par exemple, je sais pas si t'as vu Trois hommes et un pouffin. Non. Et ce film-là, tu sais, c'était un succès. Et les Américains l'ont copié et ont refait le même film en Amérique. Trois hommes et un oursin. Ouais. Voilà. Non, mais qu'est-ce que tu penses en fait des versions dans le cinéma, par exemple, des films français qui ont du succès et qui se font aux États-Unis après? Long ou court? Non, mais attendez, s'il vous plaît. Oh, on se calme derrière, je réponds. Non, mais ça, de toute manière, que ce soit des films qui sortent en France, qui soient repris par des acteurs américains, de toute manière, en principe, ça, ce qui sort en premier, c'est des films américains, non français. Ouais. Quoi, n'importe quoi, si ça te plaît pas, toi, tu vas te faire foutre. Ok? Non, mais tu vois, parce que le film avait tellement de succès en France que les Américains nous ont copié. Est-ce que tu trouves ça normal? Non, mais ça c'est un truc, c'est à eux de voir, c'est pas à nous, parce que c'est, on sait pas, c'est une histoire de fric. histoires de fric, c'est tout. Bah oui, mais de toute manière, c'est pas qu'il y a eu une histoire de fric, c'est de savoir. Mais c'est de savoir les nombres d'entrées qu'ils ont fait en salle. Mais non, il y a des quotas. Non, mais attends, parce que moi, le film Godzilla, il a fait plus d'un million d'entrées en France. Et nous, quand on y a été, quand on était le voir à New York en avant-première, il y a eu 150 000 personnes. Mais c'est tout drôle. Non, mais il y a eu 150 000 personnes et faites-moi confiance que 150 000 personnes dans une salle hurlent dès qu'ils voient Jean Reno, dans un passage, la salle se met à hurler. Pourquoi il hurle? Il est pas beau, Jean Reno? Non, mais c'est pas qu'il est pas beau, c'est que dès qu'ils voient dès qu'ils l'ont vu sur un passage, par exemple, quand il passe à un passage clouté, tu vois. Non, quand il passe avec une voiture de l'armée. Ouais. Et qui mâche un chewing-gum pour pas qu'on le reconnaisse, tout le monde, tu les entends tous sur les, même quand ils jouent le rôle du médecin là-dedans. Il mâche un chewing-gum pour pas qu'on le reconnaisse. Ah, c'est un gros chewing-gum alors que moi, personne ne me reconnaît, j'ai vraiment une merde. Bon, tais-toi, toi, Tony. Et toi, attends, GG, et toi, à New York, les gens, ils t'ont pas reconnu du coup, alors, vu qu'il y avait Jean Reno? Mais attends, de toute manière, on parle. Il t'a un peu pris la vedette quand même. T'as un peu pris la vedette, c'est clair. Non, il n'y a aucune personne qui nous a reconnu. Non, sans déconner. Est-ce que tu penses que les acteurs américains jouent mieux dans les films que les acteurs français? Non. Mais, de toute manière, maintenant, voir comment qu'on a des films en salle, je vais te dire une chose que je pense que c'est les Américains qui vont bientôt nous dépasser. Hein. Non, mais t'es d'accord, Gérard, qu'il y a une différence entre Al Pacino et Bernard Menez, quand même. Non, mais attends, toi, Tony, dégage. Hop, je veux plus t'entendre. Il a raison. Il a raison. On va pas abuser, là. Il a raison. Non, mais moi, je peux vous dire une chose, qu'à l'heure actuelle, maintenant, on a plus grand-chose, parce que maintenant, faut qu'on prenne des films américains. Et pourquoi pas des pas films tout le temps. Si. Maintenant, tu vois, dans les salles, c'est quoi? C'est des films américains qui sortent. Hein. Non, regarde, Un dîner de cons, justement, on en parlait tout à l'heure, Un dîner de cons, c'est français, ça a bien marché. Ouais, mais attends, Un dîner de cons, c'est sorti en cassette vidéo, c'est même pas sorti sur les grands écrans. Je l'ai vu au cinéma. Hein. Menteur. Et toi, tu préfères quoi, Gérard? Les films américains ou les films français? Moi, j'en ai rien à foutre. Mais pourquoi? Moi, je m'en fous. Argumente. Bah, Gérard. Non, mais moi personnellement, pour l'instant, j'ai pas les moyens de me payer le ciné. Non, moi non plus. Ouais, t'es comme moi, quoi. Non, Gérard, il a pas les moyens d'aller au ciné, il préfère aller à New York voir le cinéma. Carrément. Ouais. Ok, en avant-première. Ah, ouais. Donc, voilà. Okay. Je pense que vous avez été content de sa réponse. Hein. Ça vaut le détour. Ouais, et donc, moi, ça. Moi, donc... GG. Oui. C'est multiplex. Dernière question. Ouais, ce que j'aurais voulu savoir, voilà, c'est si une carrière un jour d'acteur se présentait à toi, parce que t'as commencé dans la radio, mais tu vas peut-être aller plus haut. Si une grande carrière d'acteur, comme tout à l'heure on parlait de Jean Gabin ou Lino Ventura, se présentait à toi, est-ce que tu penses que ça t'intéresserait? Je peux te dire une chose, que là-dessus, personnellement, non. Non, je préfère rester à la radio que d'aller faire du cinéma. Il y a des rôles qui sont faits pour toi. Stop, multiplex 5 minutes, s'il te plaît. Justement, en parlant des gens qui font un autre métier, qui veulent se lancer dans le cinéma, il y a Sucette sur le Minitel qui te pose la question, Gérard, est-ce que tu trouves qu'Ophélie Winter est une bonne actrice? Et que penses-tu des chanteurs qui se lancent dans le ciné, justement? Eh ben ça, chacun voit midi à sa porte. Dans les chanteurs, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, je n'ai pas pensé à faire la question. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chanteurs qui se lancent dans le cinéma. Est-ce que tu trouves que c'est bien? Est-ce qu'ils sont bons dans le cinéma aussi bien que dans la chanson? Ophélie Winter, je la vois mieux dans la chanson. Bon, il y a Michel Sardou que j'adore. Et ça, lui, il a sorti deux films. Donc, il y a... Sur CD? Il a sorti Cross, qui était pas mal. Il y a Patrick Bruel aussi. Et Crotte. Non, ça, toi, il y a aussi. Michel Sardou, vaut mieux qu'il arrête de chanter, vaut mieux qu'il arrête de faire des films et qu'il fasse, je sais pas, de la poterie. Attendez, qui c'est qui vient de dire ça? Bah, je suis désolé, c'est multiplex. Mais ouais, bah, multiplex. Multiplex. Chacun ses goûts, Gérard. Gérard, qu'est-ce que t'as pensé de la prestation de Guy Béard dans Scarface? Non, mais alors là, tu te trompes. Allez, conclusion du débat. À chier. Qui c'est qui vient de dire ça? Une fille, bam. Non, les filles qui foutent le bordel, hein. Je sais pas si t'as remarqué, avant c'était les garçons, maintenant c'est les filles. C'est puissant, je crois, non? Ah non, j'ai rien dit. Grosse autruche. Ah, c'est pas moi non plus. Hein. Conclusion. Allez, chacun votre tour. Multiplex, conclusion. Bah, multiplex, moi je pense que Gérard, tu pourrais faire carrière dans le cinéma. Je pense que notamment des rôles comme celui de Quasimodo. te conviendra très bien, quoi. Ou le bossu de Notre-Dame, non? Bah, c'est le même, ouais, c'est celui-là, ouais. Ah, Tulip. Oh, merde. T'as pas regardé assez de voix. Tulip. Ah, ouais, non, je sais pas où il est. Tulip. Bah oui, mais attends, tout le monde parle. Moi, j'ai trouvé ça bien. C'est sympa. Cactus. Bah, moi, je pense que le cinéma n'existerait pas, et bah, on n'aurait pas eu de débat ce soir, et donc je trouve que c'est pas mal, quoi. Tony. Ouais, bah, j'ai trouvé ça trop calme comme débat, déjà, je voulais te le dire. Et il faudrait que tu respectes un petit peu plus ton équipe, parce qu'elle est quand même là pour travailler avec toi. Mmh. Non, mais attends, Tony, déjà, pour commencer, c'est... l'équipe ce soir, elle a bien travaillé. Oui, mais ça, merci, je voulais la remercier. Merci, chef. Je voulais remercier Pildar, quand même, qui a fait les deux débats à l'Aria. Bravo, tu sais que ça me démangeait. Et Manu, qui a fait un peu n'importe quoi au standard, mais c'était nickel, il n'y a pas eu une insulte, pas eu un truc. Ouais, non, mais quand je demande de retirer des gens, c'est pas la peine d'essayer de les passer sur d'autres personnes. Ouais, ça c'est vrai qu'il sur, a dit... c'est le premier débat, c'est ce que tu as voulu jouer, puis là c'est le deuxième avec qui? Ananas, et l'autre est Multiplex. Ben on a vaguement repéré. D'ailleurs, c'est Goldo, je te le dis. Tiens, tu vois. Oh, non, ça c'est pas possible, c'était un 0-3, il a pas déménagé, Goldo, je l'ai vu ce midi. Ah ouais, je vais voir parce que j'ai gardé les fréquences. Alors, je ne veux pas trop que vous fassiez des coups comme ça, mon Gérard, hein, je vous le dis. Non, ouais. Non, mais c'est bon. T'es un peu lèche-botte, Tony. C'est vrai. Mais Rockwell qui s'est fait passer pour Tony, donc on l'a reconnu tout de suite. Non, ça c'est faux. C'est faux parce qu'ils m'ont appelé un quart d'heure avant la fin. Ouais. Donc voilà. Ok. Donc moi je peux Et vous Rigo, dire. Rigo, il a pas remercié. J'ai pas répondu. Hein. Non mais Rigo, de toute manière, il a fait comme le mardi dernier. Il a bien travaillé de toute manière. Si j'ai qu'un truc à dire, c'est Rigo qui a mieux. C'est le mieux qui a travaillé parce qu'il a voulu que tout le monde réagisse sur l'internet et voilà, je remercie. Et d'ailleurs pour la conclusion, il y a Arnette sur l'IRC qui chie sur ton débat. Eh ben Arnette, moi je te on a bien compris. Et ben pour finir Poussin. Donc c'est vrai comme elle disait tout à l'heure, je sais plus ce qui c'est qui dit. Tulip. Ouais, je pense que c'est Tulip. Tulip ou Moulinex. C'est vrai que les salles de cinéma, s'il n'y en avait pas, on ne pourrait pas en parler et puis on ne pourrait pas aller voir les films, c'est clair. Ouais, mais il faut dire une chose, que les salles de cinéma, c'est qu'il y en a beaucoup en France et elles sont moins fréquentées qu'avant. Mais il n'y en a pas beaucoup, par contre, dans les petites campagnes. Ouais, mais ça dans... Oui, sur excusez-moi, justement, Minitel. Sur Minitel, il y a une question de Sucette encore qui dit « Étant donné qu'il y a trop de salles de cinéma, est-ce qu'il ne faudrait pas en abandonner sur le bord de la route ?» Non, mais ça, Sucette, tu vois, je préfère même pas te répondre à ta question. Donc, la semaine prochaine... Comme, ta conclusion, Gérard, sur le cinéma avant. Non, mais attends, je vais annoncer le thème du débat de la semaine prochaine. Oui. Donc, la semaine prochaine, le premier débat, comme ça va intéresser tout le monde, et qu'il y a longtemps qu'on ne l'a pas fait... Ouais. Disons, on l'a fait, mais on va le refaire. On va faire les boîtes de nuit. Ouais. Le milieu de la nuit, ouais, les DJ, tout ça. Voilà. Ouais. Et le deuxième débat, ben. On verra. D'accord. Donc, tu vas réfléchir cette semaine. Voilà. Et tu vas donner ta conclusion sur le cinéma, bien sûr. Donc, en conclusion sur le cinéma, bon, ben. Je pense que ce soir, ça s'est bien passé. Les deux débats se sont bien passés. Personne ne s'est énervé. C'est vrai. Ça, c'est ce qui m'a fait le plus plaisir. Et ça fera plaisir à Max s'il est encore dans le quartier, mais je pense pas. Et donc, j'espère que la semaine prochaine, ça sera pareil. D'accord. Et donc, on va se quitter pour finir avec Banga, avec Monte-moi dessus, sans sel. Et vous allez avoir Rousseau pour la nuit sans pub. Et bien sûr, demain, 22h minuit, Max, le Star System. Bonne nuit à tous et à la semaine prochaine.